الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد نارفي أو بوان زي كان نيميرو أنتم 75 طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العبادة بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جارا جار ولا حبا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. Sache qu'Allah a accordé l'excellence des bienfaits aux adorateurs les uns envers les autres par la religion et din et le bon monde. Ça, c'est bien ça? Ouais. Voilà, sur Ad-Dunya. Et il le fait avec justice. Je gagne le Fiddin et dans le bas monde. Ouais, on a fait ça. Ouais. Et il le fait avec justice. Et il ne sera pas dit, il agit injustement. Ja. Ou il est impartial. Haba. Quiconque dit qu'Allah a porté ses bienfaits sur le croyant et l'incrédule est un innovateur. Mubtadi. Plutôt, Allah a accordé ses bienfaits aux croyants sur les incrédules, l'obéissant sur le désobéissant, et l'innocent sur le méprisable. Et il le fait avec justice, il est le généreux qui accorde à qui il veut et prive qui il veut. Le charh explication. قوله وعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة. C'est-à-dire le sens, sache que Allah a favorisé les créatures, certaines par rapport à d'autres, ici, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Et dit Cheikh Wafaqah Allah, Cheikh Salah Fawzan Wafaqah Allah, قال الناس فضل الله بعضهم على بعض. Allah il a favorisé des gens par rapport à d'autres. فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه. Donc il a favorisé le croyant sur le mécréant parce qu'il lui a donné l'Iman, il lui a donné la foi. وحرم الكافر بسبب كفره. حرم, il n'y a pas de shadda. حرم, c'est interdire. حرم, c'est il l'a privé. Il a privé le kafir à cause de sa mécréance. وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض. Même les croyants entre eux, ils ont des faveurs que d'autres, certains ont des faveurs que d'autres n'ont pas et des mérites que d'autres n'ont pas. والرسل فضل الله بعضهم على بعض. Également, même les prophètes et les messagers. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. Comme dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 253. Voici donc les messagers. Nous avons favorisé les uns par rapport certains par rapport à d'autres. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. Voilà le mérite, la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء. Personne ne peut s'opposer à Allah car c'est son royaume et il agit et il donne à qui il veut. فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه والفضل فضله يؤتيه من يشاء فلا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء. المعتزلة ils disent que Allah est obligé d'être juste envers les créatures et de leur donner les équivalences. La même chose. وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه. Et ça, ils disent, c'est un mauvais caractère, mauvais comportement, mauvaise éducation envers Allah. Et c'est une opposition à son décret. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Donc Allah était bien au-dessus de ce qu'ils disent. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض. Donc Allah, comme on a cité auparavant, il favorise certaines de ses créatures par rapport à d'autres. وهذا ملكه لا اعتراض عليه لا يعذب أحدا بغير جريمته. Allah ne châtiera personne il ne châtiera pas quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis ou bien qui a été commis par quelqu'un d'autre. لأن هذا ينافي العدل والله لا يظلم. Car ça c'est ce n'est pas en concordance avec le fait d'être juste. Et Allah n'est pas injuste. فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. Donc il ne va pas châtier quelqu'un qui n'a pas commis un crime, quelque chose qui est mauvais. Et également, il ne va pas châtier quelqu'un pour un crime ou un péché, quelque chose qui n'est pas bien, qui a été commis par quelqu'un d'autre. Allah dit dans le Coran le sens ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. Sourate 35, verset 18. Le sang sort, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche, même si c'est un proche parent. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مِنْ نَاحِيَةِ الْجَزَاءِ مَا يُجْرِيهِ عَدْلِ. Donc concernant Allah, la récompense qu'il accorde à autrui, c'est adl, c'est-à-dire que c'est adl, c'est une justice. Hein, c'est la justice pure et nette. أما من ناحية العطاء فهذا فضل منه سبحانه وتعالى ولا أحد يعترض عليه. أما من ناحية العطاء, concernant les dons qu'il donne, donc ça c'est une grâce de sa part qu'il donne à qui il veut et personne ne peut s'opposer à lui. قوله أي قول المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري قال فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. Tu peux lire à chaque fois le مقطع. Quiconque dit qu'Allah a porté ses bienfaits sur le croyant et l'incrédule est un innovateur. Aoud. Quiconque dit qu'Allah a porté ses bienfaits sur le croyant et l'incrédule est un innovateur. Oui. Allahu alam, ce qu'il veut dire, c'est le bienfait le même, puisque le cheikh dit, rahimahullah, il dit sawa. Anna fadlallahi ala al-mu'min wa al-kafir sawa. La shakka anna al-mu'min ila al-kafir ila des bienfaits, oui. سواء فهو صاحب بدعة هذا قول المعتزلة. Ça c'est la parole de المعتزلة. يقولون إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين. Ils disent Allah il est obligé de rendre toutes ses créatures croyantes. ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا. Il faut pas qu'il fasse en sorte que certains c'est des kuffars, certains c'est des croyants. يجعلهم كلهم أغنياء. يجعلهم كلهم علماء. وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. Il faut qu'il fasse en sorte que tous ils sont riches et tous ils sont connaisseurs. Et ça, tout ça, c'est le fait de s'opposer au décret qu'Allah il a voulu. Yann Allah Hakim. Allah il est sage et il est. C'est lui qui tranche. وليس من حكمته أنه يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب أو في الثواب والعقاب. Donc ça ne fait pas partie de sa sagesse qu'il fasse en sorte que toutes les créatures sont pareilles, aussi bien dans la science que dans la tharwa, donc c'est la richesse, ou bien dans la thawab, dans la récompense, ou bien l'iqab, qui est donc le châtiment. Cheikh, yeah. Là, Cheikh, il dit que les mu'tazila, ils disent que faudrait qu'Allah fasse ça, ils disent qu'Allah il a fait ça. Non, ils disent Inna Allah yajibu an yaj'al an-nas kullahum mu'minin. Ils savent que c'est pas tout le monde qui est mu'min, mais ils disent que Allah il doit faire en sorte que tout le monde il est mu'min, il doit donner la même chose à tout le monde. C'est une opposition à ce qu'Allah il a voulu. Et là, tu vois, huwa alladhi khalaqakum. فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ. Allah dit dans le Taghabun. C'est lui qui vous a créé, il y en a parmi vous. C'est des kuffars, il y en a parmi vous, c'est des croyants. قال وَلَيْسَ مِنْ حِكْمَتِهَا أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَغْنِيَاءَ لَوْ كَانَ كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءَ خَرِبَ الْكَوْنِ. Donc il dit, Cheikh Salah Fawzan, il dit, ça ne fait pas partie de sa sagesse qu'il fasse en sorte que toutes les créatures sont riches. Ou bien qu'ils sont tous. Il dit, si tout le monde était riche, le kaun, c'est-à-dire l'univers, خَرِبَ الْكَوْنِ, c'est-à-dire, comme la terre, elle serait vouée à la perdition. لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. Si tout le monde est riche, les gens n'ont pas besoin de travailler, les gens n'ont pas besoin d'agir, etc. يتوقف الإنتاج. L'intage, c'est les résultats. Dans une usine, l'intage, c'est ce qu'ils ont fabriqué, par exemple. Donc il dit ولهذا فالله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الرزق. Comme Allah dit dans le Coran, والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. C'est-à-dire qu'Allah il a favorisé certains par rapport à d'autres sur ce qu'il leur a donné. جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عبارة الكون. Il a fait en sorte que celui-là il est riche, celui-là il est pauvre. Tout ça pour remplir cet univers. لو كانوا كل ولو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا. Si tout le monde était riche, il y aurait rien à faire. Il y aurait aucun résultat, aucune production. ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا يشتغلون وينتجون. Il dit si tout le monde était pauvre, مَسْتَطَعُوا يَشْتَغِلُونَ وَيُنْتِجُونَ. Ils n'auraient pas pu tous agir, tous travailler, tous œuvrer. فَاللَّهُ فَاوَتَ بَيْنَهُمْ لِأَجْلِ عِمَارَةِ الْكَوْنِ. كَوْنِ. Il y a une dhamma, c'est faux, c'est une kasra. Allah il a fait en sorte qu'il y ait tafawut. Tafawut, c'est-à-dire que toutes les personnes ne sont pas à la même étape, au même degré. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Allah dit dans le Coran, Sourate Zukhruf, sourate 43, verset numéro 32. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. Ici, Sukhriya, c'est pas comme Sukhriya qu'il y a dans Surat Al-Hujurat. La yaskhar qawmun min qawmin, asan yakunu khayran minhum. Ici, Sukhriya, ayyas yusakhir ba'dahum ala ba'd. C'est-à-dire, Wallahu sakhara lakum ma fi kada wa kada. Allah, il l'a mis à votre service, assujetti. Hein? C'est-à-dire qu'il met à ton service. Comme ici, ils ont bien traduit, ils ont dit afin que les uns prennent les autres à leur service. C'est pas que les uns se moquent des autres. D'accord ? Sukhriya, ya'ni yusakhiru ba'dahum ba'dan lil'amali bil'ujra. C'est-à-dire certains ils sont au service d'autres pour travailler, œuvrer et ils sont rémunérés, ils sont récompensés. Inda dhalika yatanama al-kawn wa tahsulu al-masalih. Yatanama min an-numu. C'est-à-dire à ce moment-là, la vie ou l'univers, le monde, il va se développer. An-numu. An-numu, c'est le développement de la chose. Tanmu. Les bienfaits, les différents profits vont être réels et effectifs. قوله بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول. Plutôt, Allah a accordé ses bienfaits aux croyants sur les incrédules, l'obéissant sur le désobéissant et l'innocent sur le méprisable. فضل الله المؤمن على الكافر. Allah il a favorisé le mu'min sur le mécréant. وفضل الله المطيع على العاصي l'obéissant sur le désobéissant. هذا عدله سبحانه وفضله فلا أحد يعترض عليه. Donc ça c'est le mérite qu'il a attribué et la grâce de sa part, personne ne peut s'opposer à cela. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين. فمن كتم فقد غش المسلمين ومن غش المسلمين فقد غش الدين ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. Il n'est pas permis de délaisser le conseil sincère, un nasiha, à l'égard des musulmans, hormis les pieux et les libertins dans le domaine religieux. Quiconque se garde d'agir ainsi a certes trompé les musulmans. Quiconque agit faussement ou agit avec tromperie à l'égard des musulmans agit certes avec tromperie dans la religion. Quiconque agit avec tromperie à l'égard de la religion s'est certes comporté avec trahison à l'égard d'Allah, son messager et les croyants mu'mines. Sharh explication. Qawluhu wa la yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimina barrahum wa fajirahum. An-nasihatu hiya al-khulus min al-ghish wa ash-shay'u an-nasih wa ash-shay'u al-khalis. Donc an-nasiha hiya al-khulus min al-ghish. Il dit donc c'est le fait que la chose elle soit dépourvue d'une quelconque trahison, d'une quelconque traîtrise. C'est la chose qui est dépourvue du reste, qui a été filtrée, si tu veux, qui a été. Etc. فَالْمُؤْمِنُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ نَاصِحًا يَعْنِي خَالِصًا مِنَ النِّفَاقِ. Mu'min, il doit être dépourvu. Dépourvu de quoi? Dépourvu de d'hypocrisie. وَخَالِصًا مِنَ الْغِشْ. خَالِصًا مِنَ الْغِشْ. Dépourvu de traîtrise ou de trahison. خالصا من الخديعة يكون يا فرق بين الغش والخديعة يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. C'est-à-dire que la personne elle est aussi bien dans son intérieur que son extérieur, elle est sincère, elle est véridique. C'est quoi la différence entre les deux? Je me rappelle pas. Adil c'est un ancien. والنصيحة هي الدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث 40 حديث على مغز علقه البخاري في صحيحه ووصله مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه وليس عنده تكرار قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وإنما وقع كذلك عند الإمام أحمد في المسند أبي داود والترمذي في سننه وغيرهم قال الترمذي حسن صحيح. Donc la religion c'est le conseil Firiwayat, il l'a dit une fois. Firiwayat, il l'a dit trois fois. Ils ont dit pour qui? Au messager d'Allah. Il a dit pour Allah, les anges, le messager, les gouvernants des musulmans et la masse de la population musulmane. Tektumu, dans la truc, dans la, justement, et la traduction, ils ont dit pas délaisser. D'accord? Ouais, il a permis de délaisser le conseil. Al-Asl fil Kitman, c'est cacher quelque chose. Kitman. Kitman, eh. Allahu ya'lamu ma tabduna wa ma taktumun. Allah il sait ce que tabdoun, ce que vous faites apparaître, wa ma taktumun, ce que vous cachez. Ce que vous divulguez, ce que vous cachez. Non. فقال والمراد بها هنا ان يخلص الانسان من كل خلق ذميم. Ce qui est voulu ici, c'est que la personne elle soit déchue de tout comportement mauvais. وان يتحلى بالاخلاق الفاضله. يتحلى, c'est qu'il se, il se, comment ils disent, voilà, se part. بارك الله فيك. بالاخلاق الفاضله. Contrairement à يتخلى, التخلي c'est se vider de quelque chose, s'enlever de quelque chose. يتحلى c'est le contraire. Les bons caractères, bon comportement. La personne qui est nasih, donc qui est déchu de ses caractéristiques qui sont mauvaises, conseilleur, il dit c'est la personne qui n'a pas de quelconque traîtrise envers qui que ce soit. Qala sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana fa laysa minna, fa diddu an-nasihati al-ghish. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man ghashana, celui qui nous trahit ne fait pas partie de nous. حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ورواه أيضا بلفظ من غش فليس مني. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله الدين النصيحة ثلاث مرات من باب التأكيد والاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم a répété trois fois cette phrase. La religion c'est le conseil, trois fois pour bien faire comprendre et appuyer et prendre l'importance, se rendre compte de l'importance de cela. وَقَدْ حَصَرَ الدِّينَ كُلَّهُ فِي النَّصِيحَةِ. C'est comme s'il a réduit toute la religion au conseil. النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ هَذِهِ فِي الْعَقِيدَةِ فَلَا يَكُونُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا إِلَّا إِذَا كَانَتْ عَقِيدَتُهُ سَلِيمَةً وَخَالِيَةً مِنَ الشِّرْكِ وَكَانَ عَمَلُهُ خَالِيًا مِنَ الْبِدَعِ مُتَّبِعًا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc il dit le conseil pour Allah et le messager, ça concerne la conviction, la croyance, le fait de déclarer véridique les informations. La personne ne peut être considérée musulmane que si sa conviction elle est déchue. C'est-à-dire elle est déchue, elle est dépourvue de shirk, de polythéisme. Et ses actes ils sont dépourvus d'innovation. Et qui suit le messager. فَهَذَا هُوَ النَّاصِحِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ. Voilà le conseiller envers Allah et son messager. الَّذِي يَكُونُ عَمَلُهُ خَالِيًا مِنَ الشِّرْكِ وَخَالِيًا مِنَ الْبِدَعِ. Donc, il y a prêcher la sincérité envers Allah dans l'adoration, prêcher le suivi envers le messager, dépourvu de shirk et dépourvu de bid'a. والنصح للرسول عليه السلام هو الإيمان برسالته. Le fait, le conseil envers le messager, c'est, ou bien pour le messager, plutôt, c'est l'Iman برسالته. C'est le fait de croire fermement برسالته. Comme quoi, le messager, Muhammad صلى الله عليه وسلم, رسول, c'est un messager, il a apporté un message. ومحبته وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام. Le fait de l'aimer, de le respecter, comme il se doit. واتباعه, de le suivre. والاقتداء به, de le prendre comme exemple. وتقديم قوله على قول كل أحد. De faire passer sa parole devant la parole de qui que ce soit. وَتَرْكُ الْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ الَّتِي حَذَّرَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Délaisser les innovations, délaisser les nouveautés dans la religion, à propos desquelles le messager il a mis en garde. وَتَصْدِقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ مِنَ الْمُغَيَّبَاتِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ. Le fait de croire fermement aux choses dont il nous a informé, qui fait partie de l'mughayyabat. Mughayyabat, ça vient de ghayb, les choses qui font partie du domaine de l'invisible. Il dit aussi bien passé que à venir. Il a parlé des choses passées comme l'umam, les communautés précédentes. Et les choses à venir, les choses qui vont se passer par la suite, à la fin des temps, au Yom al-Qiyam, etc. وَاجْتِنَبُ مَا نَهَا عَنْهُ هَذِهِ النَّصِيحَةُ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Délaisser, s'éloigner de ce dont il a mis en garde ou il a interdit. Voilà c'est quoi le conseil à propos du messager. قَوْلُهُ وَلِكِتَابِهِ. Sa parole de l'auteur, rahimahullah, bien fait le hadith, وَلِكِتَابِهِ. Pour son livre. كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ هُوَ الْقُرْآنُ. Le Coran. Bien tu'mina biannahu kalam Allah munazzal. Tu crois fermement que le Coran ce sont les paroles d'Allah qu'il a révélées, qu'il a fait descendre. Ghayru makhluqin. Ce ne sont pas, elles sont incréées. La kalam ghayri. Ce sont ses paroles à Allah, pas les paroles de quelqu'un d'autre. Kama yaquluhu ahlul dalal. Comme le disent ahlul bid'a min al-mu'tazila wal-jahmiya wa ghayrihim. وأن تتعلمه وتعلمه. طبع تعلمه إن كسرة سبين فتحة وتسجي لام تتعلمه وتعلمه وأن تعمل به. Ça veut dire تتعلمه, tu t'instruis à son sujet, tu l'enseignes à autrui, وأن تعمل به et que tu le mets en pratique. وأن تتفقه في معانيه, tu cherches à comprendre ses sens. وأن تتدبر وتتدبر عندكم أن ولا لا؟ tu cherches à méditer, à comprendre ses sens. هذه النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا الكونسي à propos du Coran. تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به. C'est-à-dire que tu l'apprends, tu t'instruis à son sujet, tu l'enseignes, tu le comprends, tu tires une idée, conclusion des ahkam, des lois, etc. et tu le mets en pratique. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وعدم الغفلة عنه. Également fait partie de cela le fait de réciter le Coran abondamment et de ne pas être insouciant à son sujet. والنصيحة لأئمة المسلمين concernant les dirigeants, وهم الأمراء والولاة بأن تطيعهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى, le fait de leur obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance à propos d'Allah. ولا تنزع يدا من طاعة, لا تنزع يدا من طاعة, c'est-à-dire que tu restes en considérant que c'est des gouvernants et que tu leur dois obéissance. ولا تخرج عليهم, tu ne te rebelles pas sur eux. ولا تخرج عليهم ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم وتفشيها بين الناس. تلمس, c'est le fait de rechercher. تتلمس, c'est-à-dire que التماس الأخطاء, tu recherches leurs erreurs. Quelles sont leurs erreurs? وعوراتهم, les choses qu'ils font en secret, مثلا, les choses qui sont cachées. العورات ما يسوء المؤمن انكشافه. Comme l'a dit Cheikh Abd al-Razzaq fi Mousim al-Hajj, al-awrat yama yasu al-mu'min kishafuhu, c'est-à-dire que les choses que tu veux pas que les gens yattali'u 'alayha, les gens voient. D'accord? Wa tufshiha bayna an-nas, l'ifsha, c'est le fait de propager quelque chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos du salam, afshu as-salama baynakum, propager, répandez le salam en abondance. Wa min an-nasihati lahum idha kana 'indaka 'ilmun wa qudratun an tansahahum fima baynaka wa baynahum. Également, min an-nasihati lahum, parmi les conseils pour eux, si tu as une science, une connaissance, qudra, tu as la capacité, tu les conseilles, fima baynaka wa baynahum, entre toi et eux, tursilu ilayhim an-nasiha, tu leur fais parvenir le conseil, wa tuballighuhum bil akhta allati tahsul minhum aw min ra'iyatihim, tuballighuhum bidhalik, c'est-à-dire que tu leur montres leurs erreurs, s'ils ont des erreurs, s'ils ont commis des choses qui sont fausses, tu leur montres que cette chose-là, elle n'est pas conforme à la sharia, faut pas le faire, etc. Cette parole-là, cet agissement, il n'est pas bon. Ou tu leur transmets comme quoi il y a des gens qui font telle chose, il y a des gens qui font telle chose, il faut intervenir, etc. Tu parles pas de ça à tort et à travers dans les assises avec la masse des gens ou bien avec les gens dans lesquels il n'y a aucun profit, et tu parles pas de ça. Ça fait partie de la trahison envers les autorités. فالنصيحة, conseil, أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم, tu leur transmets le conseil de ta part envers eux. هذه هي النصيحة لولي الأمر, voilà en quoi consiste le conseil vers les autorités. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه, également le fait de prendre يعني la fonction, la responsabilité qu'il t'a donnée, de prendre ça à part complète, c'est-à-dire d'accorder l'importance réelle à ce sujet-là. Ça t'a donné une fonction, une responsabilité. وَظِيفَةً أَوْ رِئَاسَةً, si tu es fonctionnaire ou bien tu as une responsabilité quelconque, tu appliques ça à la lettre. أَوْ رِئَاسَةً, tu es président de quelque chose, tu t'occupes d'une présidence ou quelque chose comme ça, tu dois également t'occuper cela de la meilleure manière. أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا, ou n'importe quoi d'autre qui est en relation avec les choses religieuses ou bien les choses de la vie mondaine. بِأَنْ تَقُومَ بِالْعَمَلِ الَّذِي وَلَّاكَ عَلَيْهِ وَلِيُّ الْأَمْرِ, c'est-à-dire que l'autorité que t'as donné, que t'ont donné les autorités suprêmes, tu les appliques, tu l'appliques de la meilleure manière. خَيْرَ قِيَمْ وَلَا تُنْقِسْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِذَا رَأَيْتَ خَلَلًا تُبَلِّغُ وَلِيَّ الْأَمْرِ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, تُبَلِّغُهُ بِالْخَلَلِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَلَافَاهُ, هَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ. Il dit, si tu vois khalal, c'est-à-dire si tu vois un défaut, si tu vois un amoindrissement, un problème, tu transmets ça aux autorités qui sont au-dessus de toi, hiérarchiques, et entre toi et eux, c'est-à-dire tu leur parles, pas au milieu des gens, pour que min ajli an yatalafa, c'est-à-dire talafi shay, c'est-à-dire afin qu'il évite, tu vois, un problème, un amoindrissement, un défaut, tu lui transmets comme ça, il fera ce qu'il peut pour l'éviter à l'avenir. هذا من النصيحة. Tout ça, ça rentre dans le conseil envers les autorités. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح. Rentre également le fait d'invoquer en leur faveur la droiture, la perfection, la droiture, le bien. لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. Car si eux, ils sont sur la droiture, là, الرعية, c'est-à-dire le peuple, hein, le troupeau, qui veut dire ici le peuple, sera également sur la droiture. وتدعو لهم, tu fais des invocations en leur faveur. فإذا رأيت الرجل طالب طالب العلم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. Il dit, si tu vois quelqu'un, طالب العلم, surtout quelqu'un qui étudie la religion, لا يدعو لهم, il invoque pas en faveur des autorités. أو يستنكر الدعاء, ou bien il blâme ça. Il trouve ça réprobable que des gens les invoquent en faveur des autorités. Fa'alam, sache qu'il est rache, qu'il est... C'est un traître, il a trahi les autorités, le droit des autorités, il ne leur a pas donné, des gouvernants, etc. Et ce n'est pas un conseiller en leur faveur. وَالنَّصِيحَةُ لِعَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Cinquième catégorie qui est donc la masse des musulmans. أَنْ تُرْشِدَهُمْ إِلَى الصَّوَابِ. Tu les orientes vers la droiture. وَتُحَذِّرَهُمْ مِنَ الْأَخْطَاءِ. Tu les mets en garde à propos de l'akhta, à propos des erreurs qu'ils peuvent faire. Ou en ta'mura bil ma'ruf, ou tenha anil munkar, ou en tu'allima al jahil. Donc tu ordonnes le bien et tu interdis le mal et tu enseignes à l'ignorant. Tu dhakkira al ghafil. Tu dhakkira al ghafil. Tu fais un rappel à l'insouciant, celui qui est insouciant, qui est inattentif. Wa tawadda lahu min al khayr ma tawadduhu li nafsik. Tu espères, tu aimes pour lui le bien comme tu aimes pour ta propre personne. Wal atf ala al faqir wa sadaqa ala al muhtaj. Sadaqa al muhtaj. Al atf al faqir, c'est le fait d'être al atif al faqir, c'est quelqu'un qui aide un besogneux, un indigent, quelqu'un de pauvre, il a besoin de soutien, que ce soit moral ou financier, etc. Et as-sadaqa al-muhtaj, donne aumône pour quelqu'un qui en a besoin. Hada min an-nasiha, tout ça, ça rentre dans le conseil. وكذلك يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره. Donc il dit également يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره. C'est-à-dire quelqu'un qui vient te consulter sur quelque chose, tu lui donnes ce que tu vois sur la chose, tu l'orientes comme tu le peux. وحفظ الأسرار لمن استأمنه. حفظ الأسرار لمن استأمنه. Respect l'asrar, ça c'est très important. Quelqu'un qui te donne un secret, il dit, tu gardes son secret. Hifd al-asrar, asrar c'est le pluriel de sir, liman ista'manahu, pour quelqu'un qui t'a pris comme confident. Hifd al-wada'i', hifd al-wada'i'. Wada'i', c'est le jam'u. Jam'u mada? La. Dépôt. Ah, dépôt, lakin bala. Jam'u. L'arabie, ash. Wadi'a. Wada'i', c'est préserver les dépôts. Quelqu'un qui vient et qui te laisse un dépôt chez toi, une amana, tu dis garde-moi ça ou kada, tahfadha. Yakunu nasihan min jami' al-wujuh. Donc tu respectes et tu es conseillé envers la masse des musulmans de toutes les manières. Wa nasihatu fil bay'i wash-shira' la yaghshu wa la yakhda'. Il y a également le conseil dans la vente et l'achat, le fait de ne pas être, le fait de ne pas trahir. هذه هي النصيحة باختصار. Voilà en très résumé النصيحة conseil باختصار. فمن لم يكن كذلك فإنه غاش. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Celui qui n'applique pas cela sera considéré comme étant quelqu'un qui a une part de trahison envers une des catégories qui est citée. Et le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit من غشنا فليس منا. Celui qui nous trahit ne fait pas partie de nous. Ce hadith là, c'est pas le hadith qui est parvenu quand il y a une personne qui a caché les. Dans un marché, c'est pas ça? Non, mais. Quand quelqu'un te confie un secret, c'est un dépôt, ça rentre dans le dépôt. Non, mais ça rentre dans le dépôt, ouais. Ça rentre dans le dépôt, il y a un bab. Allah, il fait riyad salihin, ma d'accord le bab. Il y a des hadiths là-dessus. Hifd al-asrar. والله يعني باب في رياض الصالحين لو تراجعه إن شاء الله تستفيد منه. فيه إضافة نجولة. الشيخ أحمد نجمي رحمه الله يقول النصيحة معناها الصفاء والنقاء. النصيحة سي الصفاء والنقاء كما الذي الشيخ سي الخلوص كلا شوز سوا بيغ هذا يتي بيغيفي. يقال نصح اللبن إذا صفاه. هذا تعريفها في اللغة. ودي مثلا فلان نصح اللبن أي صف اللبن إلى بيغيفي إلى فلتخي توتالمون اللبن للي الصفاء سي كاليف مكسورة avec لا avec همزة صفاء صفاء بالهمزة نقاء نعم نقاء أيوة صفاء والنقاء. وفي الشرع إخبار المسلم بما يجب عليه. هذه لا ديفينيشن في الشرع. النصيحة هي إخبار المسلم بما يجب عليه أو لخلقه من دون مواربة ولا مجاملة. إخبار المسلم informer le musulman بما يجب عليه لله de du droit qu'Allah il a sur lui أو لخلقه أو بيان كرياتور من دون مواربة ولا مجاملة. C'est-à-dire sans on a déjà vu le mujamala. Je sais plus comment on l'avait traduit. C'est-à-dire que tu fais plaisir à la Non, mujamala c'est que dans le sens que tu fais plaisir à la personne. Ou la voilà, tu la flattes ou la tahsham minha, ta honte d'elle, yani tu veux pas lui dire vraiment qu'est-ce qu'elle notamment quand il faut blâmer une personne, tu la blâmes. Tu lui dis pas finalement c'est pas si grave, c'est pas vraiment responsable, etc. C'est ça le mujamala. وحكمها الوجوب وإن كان كذلك وإن كان ذلك الوجوب يتفاوت وضدها الغش. إذا سك والحكم ده النصيحة سي لوبليغاسيون دو كونسيي malgré que الوجوب يتفاوت سير دي فوا لوبليغاسيون elle va être vraiment apparente des fois l'obligation elle va être moins apparente etc. comme il a dit sur le hadith من غشنا فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق et il a mis sa main dans leurs explications, je sais pas citer ici. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا. Il est passé devant quelqu'un qui vendait de la nourriture. Il a rentré sa main dans cette nourriture et ses doigts ont été mouillés. Les extrémités de ses doigts ont été mouillées. فقال ما هذا يا صاحب الطعام. Il a dit qu'est-ce que c'est que cela. قال أصابة السماء يا رسول الله. السماء يتطلق ويراد بها المطر. السماء أصابته السماء c'est-à-dire le ciel l'a touché c'est-à-dire la pluie elle a touché cette nourriture là elle est mouillée. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. Il a dit pourquoi t'as pas mis cette nourriture là qui est pas de bonne qualité en haut pour que les gens ils la voient et ils savent à quoi qu'est-ce qu'ils vont acheter. Il a dit celui qui trahit ne fait pas partie de moi rapporté par muslim. Fa al-ghish fi al-bay' bi katm al-aib wa al-ghish fi al-mashura bi an tushawir al-insan ma yadurruhu fi dinihi aw dunyahu etc. Safa wa an-naqa. Safa wa an-naqa. أو لخلقه بما يجب عليه لله أو لخلقه. إخبار المسلم بما يجب عليه لله أو لخلقه. راجع حديث سات شرح الشيخ صالح الشيخ يجيب كلام اللغويين يرمن أهل اللغة كيس كيزون دي سور النصيحة. الخياط سمي الخياط ناصحا ويجيب تفصيل في هذا. وبالنسبة ل pour ce qu'on a parlé avant là كلام المعتزلة comme quoi Allah il a favorisé certains avec d'autres sur le chapitre précédent أيضا الأربع النووية صالح الشيخ حديث أبي ذر في مسلم حديث قدوسي حديث 23 ولا 21 مش ما أقول plus du numéro حديث قدوسي الحديث طويل يا عبادي يا عبادي يا عبادي. دي certains savants ils ont dit que on peut pas dire que Allah il est obligé الله حرم الظلم على نفسه قال إني حرمت الظلم على نفسي هكا الحديث j'ai interdit l'injustice sur moi-même. Il dit, certains savants, il dit, tu peux pas dire que c'est haq wajib ala Allah, qu'Allah il est obligé de ne pas. Il dit, tu peux le dire normal, parce que c'est Allah qui s'est interdit à lui-même. C'est pas quelqu'un qui l'a obligé à se délaisser de cette chose-là. Et il dit, tu dis que Allah il s'est interdit à lui-même l'injustice, c'est adi. Non. Taïb, le point suivant, point 77. قال المؤلف رحمه الله والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم فلم يمنع لم من أدوات الجزم فلم يمنعه فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم بالإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. الله تبارك وتعالى entend سميع voix بصير et sait عليم. Ses deux mains sont ouvertes. Il s'avère qu'il lui désobéirait avant qu'il ait créé la création. Sa connaissance sur eux est réelle et ce qu'il savait d'eux ne l'a pas empêché de les guider à l'islam. Il leur a accordé sa largesse et ses bienfaits ainsi toutes les louanges pour lui. الشرح قوله والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد ولا لا troisième sorte parmi les sortes de l'unicité إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة donc affirmer à Allah les noms et les attributs conformément à la manière dont ils sont venus dans le Coran et le Sunna مع اعتقاد معناها وما دلت عليه en ayant la pleine conviction de son sens et ce qu'elles veulent dire. Il y en a ce que les noms ils veulent dire et ce que les attributs ils veulent dire. وَعَدَمَا التَّعَرُّضِ لِكَيْفِيَّتِهَا et le fait de ne pas s'exposer au comment. Comment sont ces attributs. لِأَنَّ كَيْفِيَّتَهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ le comment n'est connu que par Allah. أَمَّ مَعْنَاهَا فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ concernant le sens, il est connu. فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَن تُثْبِتَهَا وَأَن تَعْتَقِدَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ donc tu dois l'affirmer et avoir la pleine conviction du sens de ces noms et de ces attributs. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم معلوم معناه والكيف مجهول. Comme il a dit l'imam مالك رحمه الله الاستواء معلوم l'établissement d'Allah sur l'arche sur le trône il est connu c'est-à-dire le sens est connu والكيف مجهول le comment il est ignoré. Ça c'est une قاعدة pour جميع الصفات tous les attributs c'est la même قاعدة. قوله قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم. الله بكل شيء عليم. الله يقول two choses. علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية. لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. Donc الله يقول two choses. Connaît two choses. علم ما يكون. Il sait ce qu'il va y avoir dans le futur. من الإيمان والكفر. Ce qui va se passer, فلان مؤمن, فلان كافر, un tel c'est un croyant, un tel ça va être un mécréant, etc. والطاعة والمعصية, un tel il va faire des bonnes choses, un tel il va faire des mauvaises choses. Et rien ne lui est خفي, rien ne lui est caché. لا يخفى عليه شيء. قبل أن يخلق السماوات والأرض. Il a su cela avant de créer les cieux et la terre. قوله فلم يمنعه. Donc là, même خطأ مطبعي qu'avant, c'est un سكون sur le عين, c'est pas un ضمة. À cause du lam, فَلَمْ يَمْنَعْهُ عِلْمُهُ فِيهِمْ أَنْ هَدَاهُمْ لِلْإِسْلَامِ sa connaissance sur eux est réelle et ce qu'ils savaient d'eux ne l'a pas empêché de les guider à l'islam مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَهُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ malgré qu'il sait ce qu'ils vont faire ce qu'ils vont œuvrer comme kufr et iman comme bonne et mauvaise action mécréance et obéissance. فإن الله دعاهم إلى الإسلام. Allah les a appelés, les a prêchés à l'islam. ودعاهم إلى الإيمان. Les a appelés à l'iman. وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم. Il a envoyé les messagers et il a fait descendre les livres pour leur guider. وهو يعلم ما يفعلون. Il sait ce qu'ils font. لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم. Mais de sa miséricorde, il ne les a pas délaissés et يكلهم إلى علمه بهم. Et il les a pas, il n'a pas dit Foulan Matalan, Asi, Asi, Foulan Kafir, Kafir, ça sert à rien. Ani. Voilà, c'est pas opposé là-dessus. Bel innahu aqam al-hujjata alayhim, atahum al-ikhtiyara wal-mashi'ata wal-qudrata, fahum yaqdiruna ala al-amal. Donc il dit, contraire, il a posé l'argument sur eux dans le sens que, leur a laissé le choix, atahum al-ikhtiyara wal-mashi'a, leur a laissé le choix de choisir le bon ou le mauvais chemin. Wal-mashi'a, ils ont une volonté. والقدرة la capacité d'agir ils ont le choix la volonté la capacité d'agir فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم s'ils prennent le mauvais chemin le péché est le leur, et l'amoindrissement, ou le laisser aller, ou la faiblesse dont ils ont fait preuve, c'est la leur également. Wallahu jalla wa ala yahdi jami' al-khalq al-mu'minina wal-kuffar. Allah il guide toutes les créatures, aussi bien les croyants que les mécréants. Comment ça, il y a deux sortes de guidés. Là, il parle de hidayat al-dalala, bima'na annahu yubayyinu lahum. Il les guide, c'est-à-dire qu'il leur montre le chemin de droiture. Qala ta'ala wa amma thamudu fahadaynahum. Allah il dit dans le Coran, surat al-Fussilat, concernant le peuple Thamud. Thamud, c'est le peuple de quel prophète? Houd. Salih, alayhi salam. Salih, c'est Thamud. Et Houd, c'est Man? Ad. Donc, il dit, et quand au Thamud, donc le peuple de Salih, nous les guidâmes. Nous les guidâmes. Allah il dit comme ça. Wa amma Thamudu fahadaynahum. Le peuple de Thamud, on les a guidés. Hadaynahum. Ya'ni bayyanna lahum wa arshadnahum. Voilà, hidayat al-dalala. Wa al-irshad. La guidée de d'éclaircissement, d'orientation. Bayyin. Fussilat. Fussilat. Indak tatimat al-aya ba'd. Wa arshadnahum. Lakinnahum lam yaqbalu. Ils n'ont pas accepté. عاندوا وكابروا عناد والكبر, c'est-à-dire que ils se sont entêtés, ils se sont enorgueillis. فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Surat 41 verset 17. La suite du verset, nous les guidâmes mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis. اي بسبب كسبهم وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم. C'est-à-dire à cause بما كانوا يكسبون. La fin du verset c'est pour ce qu'ils avaient acquis. C'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont la volonté, qui ont voulu, et c'est eux qui ont agi. بسبب كسبهم. وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم. Pourquoi leur fin est comme ça? C'est pas parce que Allah il leur a prédestiné, mais c'est parce que eux ils ont œuvré de la sorte. بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. C'est eux qui ont œuvré, c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont voulu, et c'est eux qui ont agi. فالهداية هدايتان. Il y a deux sortes de guidés. هداية الإرشاد وهذه عامة للمؤمن والكافر. Donc, la guidée d'orientation qui est générale, qui englobe tout le monde, les croyants et les mécréants. وهداية التوفيق. Et la guidée de réussite. وهذه خاصة للمؤمنين. الذين قابلوا هدى الله وإرشاده ووفقهم إرشاده ايش عندكم وفقهم الله وثبتهم زي بدو واو ها واو ها ووفقهم عندك وفقهم عندك دو واو اصل واو اصل وفقهم الله وثبتهم. Donc la deuxième catégorie guidée de réussite, celle-là elle est spécifique aux croyants qui ont accepté la guidée d'Allah et l'orientation d'Allah. Allah il leur a accordé التوفيق وفقهم من التوفيق سبحانه التوفيق إلى أكاد إلى غيسيت إليزا غافرمي. قوله ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. Il leur a accordé sa largesse et ses bienfaits, ainsi toutes les louanges sont pour lui. كرما منه يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه. Donc il les a prêché l'islam, il leur a clarifié cela, il leur a rendu tout cela clair et explicite. C'est une karam minhu, c'est une largesse de sa part, un don de sa part. Tafaddulan, c'est une faveur de sa part, une grâce de sa part. Li hajatihim hum ila dhalik. C'est eux qui ont besoin de cela. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun anhum. Allah il se surpasse d'eux. Kafaru ou amanu. Ils croient ou ils ne croient pas. Ata'u ou asaw. Ata'u ou asaw. Qu'ils obéissent ou n'obéissent pas, c'est en leur faveur ou défaveur. لا يضرون الله جل وعلا. Ne vont pas nuire à Allah à travers cela. قال ولا ينفعونه لأنه غني عنهم وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره. Le bienfait ou le méfait il revient sur eux. فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر. Donc, portez les bienfaits d'Allah qui t'a montré bon chemin, mauvais chemin, et il a t'a donné la force, t'a donné la capacité, les raisons pour reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il y a un verset dans Sourate Zumar, Cheikh l'a pas cité, mais vient dans ce sens. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Si vous ne croyez pas, Allah il se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Hein? Numéro du verset. Numéro, c'est sur Zumar 39, verset 7. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار هذا قول ابن عباس رضي الله عنه Sache qu'il y a pour l'arrivée de la mort trois moyens de s'en informer. Il peut être dit « Recevez la bonne nouvelle, ô bien-aimé d'Allah, l'agrément d'Allah et le paradis. » Il peut être dit « Recevez la mauvaise nouvelle, ô ennemi d'Allah, la colère d'Allah et le feu. » Il peut être dit « Recevez la bonne nouvelle, ô adorateur d'Allah, le paradis après l'islam. » Ceci est un dire de Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala fi al-sharh al-mukhtasar. La, al-muhtadar. Muhtadar. C'est la personne qui... Le mani, elle lui vient. La mort, elle se présente à lui. En train d'agoniser. Al-muhtadar, yusamma. Mu'minan kana aw kafiran, yubasharu inda al-maut. Donc, soit un croyant ou un mécréant, yubasharu inda al-maut. On lui fait l'annonce à, lors de sa mort. Fa'in kana mu'minan, yubasharu bi rahmatillahi wa bil jannah. Si les croyants lui annoncent la miséricorde d'Allah et le paradis. Wa'in kana kafiran, yubasharu bi ghadabillahi wa bil nar. Si c'est un mécréant, on lui annonce ghadaballah. La colère d'Allah et l'enfer. فَلَا يَمُوتُ إِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ أَيْنَ يَكُونَ Il ne meurt pas, si ce n'est en sachant où c'est qu'il va, être. وَلَا يُمْكِنُهُ التَّوْبَةُ وَالتَّخَلُّصُ C'est fini, le repentir c'est trop tard. Il ne peut plus se repentir ou se détacher de cela. أَوِ التَّزَوُّدْ مِنَ الْعَمَالِ الصَّالِحَةِ Ou bien s'approvisionner. تَزَوُّدْ ça vient de Zad. Zad. S'approvisionner de bons actes. وَهَذَا جَاء فِي الْحَدِيثِ أن من أحب لقاء الله حب الله لقاءه في بني دون الحديث حديث معروف celui qui aime la rencontre d'Allah Allah aime sa rencontre قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت عائشة رضي الله عنها الذي أم مساجد الله tout le monde déteste la mort قال ليس كذلك dit c'est pas ça qui est voulu يا عائشة أو عائشة وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه Le mu'min, le croyant, on lui fait la bonne annonce lors de sa mort. Il aime alors la rencontre d'Allah, parce que ça va être que du bien pour lui. Et Allah aime sa rencontre. Wal kafiru yubashsharu bin nar, fayubghidu liqa Allah, fayubghidu Allah liqa'ahu. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi wa muslimun fi sahihihi. An Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, wa allaqahu al-Bukhari wa rawahu muslim, an Aisha radiyallahu anha. Donc il dit... C'est pas yubghidu Allah, non? Yubghidu Allah. Naam. Ouais, il y a un problème, je sais. فيبغضوا لقاء في الفقرة الثانية من الحديث والكافر يبشر بالنار فيبغضوا لقاء الله أي الكافر يبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. Oui, mon frère. Comment on place là ce qu'on vient de dire l'instant par rapport au jugement? Logiquement. Tengo. L'homme ne sait pas s'il va en enfer au paradis, jusqu'à ce qu'il va juger. Mm-hmm. Et là, on est en train de dire que déjà, dès la mort, il est déjà informé de sa destination. Attends, on va terminer le chapitre, là, je vais dire ce que je sais là-dessus. Voilà. Donc il dit, فَيُبْغِضُ لِقَاءَ اللَّهُ فَيُبْغِضُ اللَّهُ لِقَاءَهُ Il déteste le kafir, on lui annonce l'enfer. Il déteste la mort d'Allah. Il déteste la rencontre d'Allah. فَيُبْغِضُ اللَّهُ لِقَاءَهُ Donc Allah déteste également sa rencontre. وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Donc ces trois versets là, ils éclaircissent un peu ce sujet là. Surat 46, verset 13. Le sens du verset, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Deuxième verset qu'il a cité, Surat Fussilat, Surat 41, verset 30, verset que vous entendez souvent dans les mosquées, le sens, ceux qui disent notre Seigneur Allah est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. On va y mettre, les anges descendent sur eux au moment de la mort. Il leur annonce, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. C'est-à-dire que les anges y descendent au moment de la mort et ils annoncent à la personne, imma al-jannah wa imma al-nar. Et le troisième verset que Cheikh a cité, surat numéro 8, Anfal, verset 50. Et si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant, goûtez au châtiment du feu. Goûtez au châtiment du feu. Je répète le verset. Et si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes des mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière en disant, goûtez au châtiment. Goûter au châtiment du feu. T'éclaircis un peu, Mounir. C'est au moment de la mort et des anges qui descendent. T'annoncent le paradis ou l'enfer. Ça, c'est le moment d'ihtidar, c'est-à-dire. Pas très faible. Au moment où l'âme de la personne, ils vont la prendre. Ils lui annoncent le paradis ou l'enfer. C'est-à-dire la personne, elle voit des choses à ce moment-là qu'elle ne voit pas en état de vie normal. Un voile qui se lève, il voit des choses qu'il ne voyait pas en état normal. C'est pour ça que les savants ils disent que, hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu peux te repentir. Tant que la personne elle n'arrive pas le râle, tu vois, son âme elle est en train de sortir. Parce qu'à ce moment-là, le repentir il n'a plus aucune valeur. Comme Pharaon il s'est repenti après avoir vu des choses, etc. C'est trop tard. Yubashar bil Jannah ou la Yubashar bil Nar. Mais il a encore l'épreuve de la tombe, il a encore l'épreuve du jugement dernier. Mais à ce moment-là, déjà, il sait s'il va être parmi les gens qui vont être châtiés ou pas. Ça ne veut pas dire que la personne, ça c'est le moment où ils enlèvent son âme. La personne elle va mourir. Après, si la personne se rappelle de cet instant-là ou pas, Allahu a'lam. Lakin les versets, ils citent que au moment où l'âme elle va être prise, soit des anges de Rahma, soit des anges de Adab, ils descendent et ils lui annoncent sa place. Allahu a'lam. Et de toute façon, comme ils disent les savants, ils disent les frayeurs de la résurrection, elles sont pas imaginables. Pour que la personne elle dise comment te dire, Lillahi al-mathalu al-a'la, quelqu'un fait dunya et t'annonce de quelque chose, t'es sûr que c'est vrai. Lakin mba'd, t'as une information douteuse comme quoi cette chose là elle serait fausse, t'es quand même hésitant, t'es quand même douteux, tu vois. Fa ma balak bi umur al-akhirah, les choses qui sont en rapport avec la vie dernière où il y aura des effrois comment dire, qui sont pas imaginables. C'est-à-dire la personne, même les prophètes ils vont penser que à leur propre personne, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Ummati, Ummati, Allahumma sallim, sallim. Après avoir passé le sirat, Allahumma sallim, sallim. Allah épargne, épargne. Et tous les prophètes eux-mêmes, et alors qu'ils ont eu l'annonce du paradis, les compagnons eux-mêmes qui sont promis au paradis, et ils seront dans des états d'effroi, etc. Donc que dire d'un simple musulman ou d'une simple créature qui ne sait pas. J'ai une petite question sur Shirabi, il a dit en fait quand le jour de l'Imam, tout le monde va tout oublier. Parce que sinon il ne reste pas se casser la tête. On va passer par Adam, après Moussa, après Issa, ainsi de suite. Ils iraient directement chez Moussa, comme ils ont tout oublié, ils se lèvent et c'est seulement là. Ils se rappellent de rien. Ils ne savent pas s'il était fait Naïm ou l'a fait Adam. C'est pour ça qu'il est ignorant que c'est là. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent souriant. Shuhada, sur Shuhada, ça a été cité ça par Ta'if Ibn Ahl al-Ilm, un shahid, tu le vois sur son visage, comme quoi il a été informé d'une bonne annonce. Mais tu ne peux pas affirmer, maintenant quelqu'un il meurt, en apparence il est shahid. Il y a un bab le Bukhari, bab la yuqal fulan un shahid. Chapitre, tu ne dis pas un tel, c'est un shahid. Sauf ceux à qui le messager il a témoigné. Sinon personne d'autre. Hatta wala, tu sais que c'est quelqu'un de sincère, tu connais, etc. Là, on ne peut pas dire fulan, c'est un shahid. Hein? C'est un martyr. Hein? Voilà, on considère comme étant shahid. On espère pour lui que shahada, yani qu'il est mort en martyr. Les caractéristiques alcool, ça pour te dire fulan kada. Hatta le savant, ils ont répliqué sur Cheikh l'Islam quand il a dit que quelqu'un qui est connu pour sa science, pour sa piété et tout ça, yushadahu bil jannah. Savant, ils ont dit non, ça c'est même dans le domaine de l'ghaib. L'ghaib, celui à qui Allah et son messager ils ont affirmé le paradis, t'affirmes. Celui à qui Allah et son messager ils n'ont pas affirmé le paradis, tu espères pour lui et tu crains pour lui. Tu espères pour le bienfaisant, tu crains pour le malfaisant, comme il a dit l'imam Ahmed. Mais tu ne peux pas affirmer à 100%. Allahu alim. Non, il y a des ulama qui ont cité que le châtiment de la tombe il peut être. Comment on dit ça? Pas permanent. Il peut être mudda. La personne elle peut être purifiée dans sa tombe et après il rentre au paradis mubasharatan yawm al-qiyamah. Châtiement de la tombe, yani, c'est purification de ce qu'il a fait et il rentre au paradis directement. Ouais. Non. Allahu alim. Le cher Paul nous dit qu'il t'annonce ça avant que la main sorte. Avant que la main sorte, oui. L'imam Ahmed fait le qissa, le warda ma ibnihi, Abdullah ou la Salih. Quand l'imam Ahmed il disait Ba'd, vous avez déjà entendu le qissa. Andel Wafat, quand il allait mourir. Ba'd. Bad. Après, pas encore. Son fils, il lui faisait prononcer Shahada, ou la Kenyadrama, ou Egulu Bad. Il a dit, Inna Shaitan te met à la li. Le diable, il est venu, et il lui a dit, Foutani Ahmed, tu m'as échappé. Fait quand l'imam Ahmed, il dit, Bad. Yani, pas encore, parce que l'âme, elle n'est pas encore sortie. Le ulama, ils disent de ça. La personne elle est sûre de rien tant que l'âme elle est pas encore sortie. Wallahu a'lam. Au moment de la mort, justement, que les anges arrivent, pour les moumines, les croyants, ils sont présentés à Allah. Quand? Justement, quand l'âme elle est sortie, là, au moment où l'après Allah il retourne sur terre jusqu'au jugement. Ça, c'est quand son âme elle sort. T'as la vie sama, ou il dit marhaban bil ruh at-tayyiba, la tikan fil jasad at-tayyib. Bienvenue à la bonne âme qui était dans le bon corps. Ça lui vient de Nassim al-Jannah. C'est comme la fraîcheur, etc. Et après, l'âme elle revient dans le corps, dans la tombe. Ensuite, il est posé trois questions. S'il répond bien, l'âme est large, etc. Non. L'âme, elle monte au ciel et après elle redescend dans le corps. Allah ta'ala a'lam. فتنة المحيا والممات نعرف أن فتنة المحيا والممات الحياة كلها فتنة la vie tout entière c'est une fitna. C'est que t'es exposé à des fitnes tout au long de ta vie, t'es exposé à des choses, t'es exposé à avoir une bonne conviction et il y a des mauvaises convictions qui t'appellent, t'es exposé à la sunna et à la bid'a qui t'appellent, etc. المحيا كلها فتنة, c'est tout entière une discorde. Et les gens beaucoup ils oublient aussi que le khair c'est aussi une fitna. Allah dit dans le Coran, nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna. On va vous éprouver par le bien et le mal. Par le mal et le bien. C'est-à-dire même quand tu es dans le bien, c'est une épreuve. Ashkuru am akfur. Est-ce que tu es reconnaissant ou est-ce que tu es ingrat? Il y a un hadith, mais sahih, lakin dhakaruhu ba'd ahli al-ilm sur le sujet justement d'avant. Allah il a favorisé des créatures sur d'autres. Il a dit وإن من عبادي حديث قدسي لكن أظنه موضوع إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى. Il y a des créatures qui n'ont que la richesse qui lui va. ولئن أفقرته لأفسده ذلك. Si je lui donne la pauvreté, ça va le corrompre. وإن من عبادي من لا يصلح له le contraire إلا الفقر. ولئن أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة. ولئن أمرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا المرض أو السقم ولين ولين يعني أصابته الصحة لا أفسده ذلك. Des gens qui ont que la santé qui lui va, s'il devient malade, c'est pas bon pour lui. Enfin, le fait que Allah il a favorisé des gens par rapport à d'autres, comme on a vu avant, c'est pour une sagesse. C'est pour une sagesse bien précise. Parce que la personne elle pourrait penser comme quoi Allah il a favorisé Hada, il lui a donné 70 ans, l'autre lui a donné 90, l'autre lui a donné que 25. Enfin, Hada qui a 25, il serait mort à 70 ans, il aurait pu peut-être se repentir, etc. Enfin, Allah il a été injuste envers personne. Pourquoi ? Il t'a donné la vie, à partir d'un certain âge, il t'a donné teklif, et il t'a dit, voilà ce que je te demande, voilà sur quoi tu seras jugé, voilà ce qui va se passer, voilà qu'il y a un diable qui est là, qui t'appelle à telle et telle chose, voilà ce qu'il y aura après la mort. Et il t'a pas dit de faire l'iltizam à partir de 65 ans, ou là à partir de 25 ans. Chaque personne, elle aura sa récompense selon ce qu'elle a œuvré. Celui qui a passé ayatuhu fi ta'a, ou fi l'ikhlas, etc. Ou la parole de Cheikh Ben Baz qui est connue avec le Hayat, subhanallah, la kalima azima, Hayat fi sabilillah, entasharat, cette parole-là, elle est connue, elle est répandue. Hayat fi sabilillah, as'ab min al-maut fi sabilillah. Vivre dans le sentier d'Allah, c'est plus dur que mourir dans le sentier d'Allah. Et le Hayat, c'est toute une durée où tu dois tasbar, tu dois patienter sur des choses qui ne te font pas plaisir, sur des choses qui sont difficiles, sur al-ta'a, l'obéissance, sur al-ma'as, sur l'aqdar, etc. Allahu alam. Encore un petit chapitre, on a encore une. Ouais. 93. Ça y est, Abdallah. Dernier chapitre, inch'Allah. قال المؤلف رحمه الله وعلم أن أول ما ينظر الله تعالى في الجنة الأضغاء ثم الرجال ثم النساء فأعيني رؤوسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستعرفون ربكم كما تعرفون هل كما ترون القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. Sache que les premiers à voir Allah Ta'ala au paradis sont les aveugles, ensuite les hommes et ensuite les femmes. Ils le verront Allah avec les yeux de la tête. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, vous allez voir votre Seigneur comme vous êtes en train de voir cette lune. Vous ne trouverez aucune peine à le voir. Et croire en cela est une obligation, le rejeter الضراء جمع ضرير الرجل الضرير هو الرجل الكفيف كفيف الرجل الكفيف personne qui voit pas الضراء le mot الضراء c'est le pluriel de ضرير ضاد را يا را c'est la personne aveugle ضرير كفيف أكمه أعمى نعم فيما يذكر الشيخ البربهاري رحمه الله كل معلومة c'est une قاعدة في الإسلام. Toute information qui est de l'ghaib, personne ne peut dire quoi que ce soit. Hatta sahaba, même un compagnon, il ne peut pas parler sur l'ghaib s'il n'a pas une information d'Allah ou bien de Rasoul. Même si un compagnon dit quelque chose, c'est marfou' hukman, si c'est authentique. Les savants considèrent que c'est authentique, etc. Marfou' hukman, c'est-à-dire le compagnon il l'a dit, mais il transmet une parole qui provient du messager ou bien... Non. Mais par exemple, maintenant, Béchel, si un compagnon il dit quelque chose, ça ne remonte pas jusqu'au prophète sallam. Il n'y a pas de divergence de savoir sur le fait qu'on prend ou on prend pas, ou c'est pas. Comme quoi, par exemple là. Comme quoi là, par exemple, le hadith d'avant, là, le affaire d'avant, c'est, ce sont les dires de Abdullah ibn Abbas à un moment. Eh, affaire juste avant, là. Oui, je fais Abdullah ibn Abbas. Ça, à la fin, il a dit Hadar Khawlou ibn Abbas. Le dernier point en commentaire, là. Parce que l'annonce de la mort, c'était par trois. Voilà. C'était par trois moyens, quoi. هذا قال قول ابن عباس ها آه. Oui, il a cité un hadith aussi comme ça dans le même sens, mais sahabi, en fait, il peut pas dire quelque chose de tout ce qui est domaine du ghaib. Le sahabi لم يطلع على الغيب, même le rasoul لم يطلع على الغيب, sauf ce que Allah lui a montré min al-ghaib. Le rasoul تكلم عن الوحي, il parle avec la révélation. فهمت فلنعرف انا tout ce qui est attrait à al-ghaib là les ulama ولا غير العلماء يفهم parler dessus بدون دليل. لذلك كثير من العلماء يسكتون يستاز sur nombreuses choses. مثلا est-ce que l'arabia ça fait langue du paradis ou là pas de hadith. On a vu le hadith موضوع داك aimer les arabes pour trois choses, hadith موضوع, لكن يقول لك il y a pas de preuve si ce n'est ظواهر, des apparences, comme quoi يقولون, comme on a dit fois, يقولون السلام عليكم, يقولون كذا, يسبحون, tout ça, ce qui apparaît انه l'arabe ça به يقطع لك يقول لك ظاهرة النصوص بالقطعية دي تكست كي سون كلير ان لغة فهمت في بارتي دومين تاع تاع par contre on prend dans le sahabi si on a fait quelque chose de dans le fiqh Ça, cette règle-là, c'est khassa bil omor al-ghaybiyya, tout ce qui est du domaine de l'invisible. Le domaine de l'invisible, ils ne peuvent pas s'exprimer. Juste en termes de ces deux lignes-là. Et donc il dit, سبق البحث في إثبات الرؤية. On a parlé déjà, soit dans ce livre-là, ou bien dans d'autres livres à propos de la vision d'Allah. معروف إن شاء الله وهذا تأكيد لما سبق. Ça c'est une confirmation encore de ce qui a été cité auparavant. وأما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج إلى دليل. Et concernant, comme quoi, ترتيب, l'ordre qu'a cité le مؤلف quand il a dit أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. Les aveugles seront les premiers qui verront Allah au paradis. Que, ثم الرجال ثم النساء ensuite les hommes ensuite les femmes بعيون رؤوسهم etc. هذا يحتاج إلى دليل. Voilà, ça c'est un point qui fait partie du domaine de l'invisible. Pour dire que les premiers qui vont faire ça, c'est Fulan, Thumma Fulan, Thumma Fulan, ou Tabaka Minan Nas, Al-Adirra, Thumma Tabaka Al-Rizal, Thumma Tabaka Al-Nisa, il s'agit de Dalil. D'accord, donc il faut une preuve. Cheikh Ahmed Najmi, dans son sort, il dit Amma al-Tartib al-Ladi Dakarahu, Anna awwala man yadhuru ila Allah ta'ala fil jannah al-Adirra, Thumma al-Rizal, Thumma al-Nisa bi'ayni rusim, fala a'rifu dalilan fi dalik, wallahu ta'ala a'lam. Il dit je ne connais aucune preuve à ce sujet-là. Et les savants, ils sont prudents. Il dit je connais aucune preuve, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Il dit, je ne connais aucune preuve à ce sujet, et Allah est plus savant. Donc tu ne peux pas affirmer une chose comme ça s'il n'y a pas, s'il y a pas de preuve. Ils n'affirment pas. Ils n'affirment pas. Il t'agit la dalil, le Cheikh Salah Fawzan Igol, ou le Cheikh Ahmed Najmi, dit, il faut fidèle cacher. Allahu a'lam. Il a qu'il y a un dalil. Parce que ça, de toute façon, ça fait partie de. Vous savez qu'il y a dans l'Iman, savoir un bil kutub, bil rusul, tout ça, il y a le qadr al-mujzi. Et le qadr al-za'id, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est obligatoire, maintenant le fait de croire au jour dernier, comme quoi il y a un jour où Allah il va réunir les premiers et les derniers, yuhasibuhum, il va les juger, les bons vont aller au paradis, les mauvais vont aller en enfer. Wahid Matalan, il dit, je crois à ça. Tu lui parles de le mizan, il te dit, je sais pas, j'ai même entendu parler qu'il y a un mizan. Le ulama, il dit, je lui arraf bin nosos, il faut lui faire parvenir les textes. Donc Allah, il a parlé qu'il y a le mizan, les actes ils vont être pesés. Il te dit d'accord, c'est bon, j'ai vu les versets dans surat l'Anbiya, dans surat l'Araf, dans surat l'Mu'minun, il y a un mizan, tayyib. Tu lui parles de As-Sirat, je ne savais pas qu'il y avait un Sirat. Tu bayines le nosos, les textes qui sont venus à ce sujet-là, dans surat Maryam, mathalan. Tu lui parles de la parcelle qui est après le Sirat, le Qintara. Tu n'as jamais entendu parler de Qintara. Tu lui parles de Qintara, il y croit, etc. Ça, c'est surplus. Même quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est que. Allah il va juger les premiers et les derniers. Yaoum, il va ressusciter tout le monde, il va les juger, etc. Il connaît le minimum sur ce sujet-là. La personne, elle a un rokn, le pilier, elle l'a. Là, c'est pareil. Le fait de savoir que les premiers qui vont, c'est les aveugles, puis les hommes, puis les femmes. La personne, elle ne sait pas ça. Il n'y a aucun mal. S'il y a un texte qui vient affirmer ça, il faut y croire. S'il n'y a pas de texte qui vient affirmer, ou bien même si la personne, elle meurt sans avoir entendu parler de ce texte, elle ne sera pas blâmée ou là, châtiée pour ça. هذا القدر المجزي وش اسمه الشيخ صالح الشيخ il l'a cité dans les trois fondements نعم dans les trois fondements لأن في شرح الأربع النووية الحديث numéro 2 il l'a sauté ou il l'a fait très rapidement il a dit revenez à والله إما في الأربعين إما في puisque حديث de Jibril il est dans l'أربعين il est dans les trois fondements enfin, dans un des deux livres il a dit revenez à l'explication qu'on a fait dans l'autre livre, parce qu'il a parlé en détail. Et il a cité également Cheikh Ahmed Najmi, Cheikh Salah al-Sheikh, dans Sharh al-Wasatiyya, il a cité qu'un des meilleurs qui a expliqué ça, le Qadr al-Mujzi et tout ça, c'est Cheikh Hafid al-Hakami dans son livre Ma'arij al-Qaboul. Ma'arij al-Qaboul, Sharh Sulam al-Wasul, ila ilm al-Usul, fi tawhid Allah wa tiba al-Rasul. Il dit, il a expliqué ça bien en détail. Là, le minimum à avoir et le surplus pour quelqu'un. Qui a des informations, donc il dit revenez à ce sujet-là. Là, qu'une l'ikhtisar se dit, c'est ça, c'est ce qu'on a cité. Comme ça, dans le Salasat, Cheikh Salah al-Sheikh, il dit Jibril, il met quelques lignes. Quelques lignes, voilà. Il dit quoi? Oui, mais un paragraphe quand même, mais. Il dit pas, yani, arji'u ila kalam, fil arba'in. Non, c'est très court, comme on a dit. Bien sûr. Oui? أيوة. ثم ذكر رحمه الله دليل السنة هو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه وهو الذي شرحناه في الأربعين النووية ديونا جاي اكسبليكي دان الكارونت نووي وهو ثاني الأحاديث النووية الأربعين وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة ensuite il a ramené en très bref يعني ce hadith là mais il dit يعني celui qui veut voir en détail ce qu'on a dit là-dessus parce que chaque point il l'a pris il a ramené le qadr al-mujzi le qadr al-za'id et tout ça donc il dit tu reviens à ce livre là Et dans Sahih al-Wasatiyya, il te dit, il y a une meilleure explication qui a été faite, ou parmi les meilleures, c'est Ma'arij al-Qaboul de Cheikh Hafid al-Hakam. Wallahu alam. Ziyad, quelqu'un va rajouter quelque chose ? Oui, mon frère. Laquelle ? Non, il y en a hatta l'ulama. Hatta l'ulama, il reste sur cette chose-là, il reste perplexe. Yani, là où tu as un واحد من العلماء, il va dire, moi, j'ai pas cette conviction. شخصياً لا أعتقد ذلك لا أدين الله بذلك j'ai pas cette conviction comme quoi le premier qui va rentrer non, il يحتاج إلى دليل c'est le dalil il lui parvient il va y croire sans problème si le dalil il lui parvient pas il va pas citer cette chose là le premier qui va rentrer ou qui va voir voir Allah c'est bon c'est bon les formes de guider il y a aussi une troisième qui est Hidayah et puis Tabat Tabat والله ما أعرف يعرف أنا يا هداية الدلالة والإرشاد وكل برسك إلى سيتي فأما وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا على العمى على الهدى هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن هداية الإثبات أو الثبات وجيبها سون بدعوك إن شاء الله شوف أنت صراحة حوس عليها شو لالو كارف ناوي بشحاد المحسن En fait, moi, j'ai entendu l'audio. L'audio il touche ça beaucoup plus que le petit livret qu'on a. Le petit livret c'est Mukhtasar Jiddan. Mais l'audio il touche ça. Il ramène beaucoup de paroles de l'Hafid ibn Rajab, al-Hanbali, dans l'explication de l'Khamsin. Il ramène بعد كلام Cheikh al-Islam, ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim dans des choses. Il ramène كلام al-Hafid ibn Hajar, Fath al-Bari sur des points. Il ramène, Cheikh il explique, et puis il dit Ahdartu al-Kitab, il appelle le talib et il qira le maqta' dont il vient de parler. لكن الله أعلم ما تريد أن تتخذهم الكتاب عندي شوف الحديث إن شاء الله طيب بارك الله فيك نقف عند هذا الحد صغط الله إن شاء الله هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم